إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons le cours de Cheikh Mohamed Saïd Raslan, hafidhahullah, concernant anwa' al-shirk al-asghar, les parmi les types de polythéisme mineur. Donc dans les deux premiers cours précédents, nous avons pu voir que déjà la définition chez Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, on différencie entre le mineur et le majeur. Le shirk al-akbar ou le shirk al-asghar. Ou le nifaq akbar ou le nifaq asghar. Une hypocrisie majeure et une hypocrisie mineure. L'hypocrisie majeure exclut de l'islam et la mineure n'exclut pas de l'islam mais fait partie des péchés majeurs. Péchés majeurs. Et donc nous avons vu que parmi les types de polythéisme mineur, min anwa' al-shirk al-asghar, al-harif bighayrillah, le fait de jurer en autre qu'Allah. Par exemple, personne qui va jurer sur la tête de ses parents, voilà, sur sa vie, voilà, lorsqu'elle jure sur autre qu'Allah. Il y a un point aussi à préciser parmi les gens qui jurent sur le Coran, par exemple. On entend des jeunes dire sur le Coran de la Mecque, sur ce genre de propos. Donc, le Coran, c'est Kalam Allah, c'est la parole d'Allah. Ce qu'il y a, c'est que si l'individu jure sur le Coran, avec dans sa tête son intention, c'est qu'il jure sur la parole d'Allah, le Coran, ça fait partie des attributs d'Allah. D'accord ? Ça fait partie de Sifat Allah. Donc, s'il jure en ayant cette intention qu'il jure, donc le Coran, c'est la parole d'Allah, et que c'est un attribut d'Allah, azzawajal. Donc les ulémas, ils ont dit que, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il n'y a pas de problème sur cela. Mais si la personne jure sur le Coran, sur le mashaf, c'est-à-dire sur le livre, en lui-même, c'est-à-dire le livre avec la couverture et tout ça, c'est interdit. D'accord ? Donc c'était juste pour cette petite précision. Donc ce qu'il y a aussi, donc ceux qui jurent, tous ceux qui jurent par autre qu'Allah, ça fait partie du shirk al-asghar. Et le danger de jurer par autre qu'Allah, et on avait dit que ça fait partie du polythéisme mineur, le danger c'est quoi ? C'est que la personne ne parfait pas le pur monothéisme, le tawhid d'Allah. Parce que parmi les conditions de tahqiq al-tawhid, c'est que la personne s'écarte du shirk al-akbar. De tout ce qui oppose ou annule le pur monothéisme. C'est-à-dire que si elle va invoquer autre qu'Allah ou égorger une bête pour autre qu'Allah, ou craindre une personne comme on craint Allah, ou aimer une personne comme on aime Allah. Et tout ce qui va dans ce sens-là. Lorsqu'elle met une chose au même niveau qu'Allah, eh bien, ceci fait partie du polythéisme majeur, shirk al-akbar, qui annule l'islam, invalide l'islam. Donc ça, si l'individu ne peut pas concrétiser le pur monothéisme, la yassati an yuhaqqiq al-tawhid, لم ينقض أصله بشرك أكبر qui n'annule pas donc le pur monothéisme avec du polythéisme majeur. وألا ينقص كماله بشرك أصغر et qu'il n'annule pas le pur monothéisme en pratiquant du polythéisme mineur. C'est-à-dire que celui-là n'exclut pas de l'islam mais fait partie des péchés majeurs. Des péchés majeurs. Et le troisième point, وألا ينقص كمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على الصغيرة. Et le troisième point pour que la personne puisse parfaire le pur monothéisme, c'est qu'elle ne corrompt pas le pur monothéisme en faisant des innovations dans la religion d'Allah Azza wa Jal qui est complète, ou en faisant des péchés majeurs, ou en faisant continuellement des petits péchés. Donc si la personne pratique du polythéisme mineur, elle ne concrétisera pas la tuhaqqiq at-tawhid. Et parmi ceux qui rentrent au paradis sans jugement ni châtiment, ce sont ceux qui parfait le pur monothéisme. Alladhina yuhaqqiquna at-tawhid. rentre en paradis sans jugement ni châtiment. Donc on avait vu al-halaf bi ghayr Allah. On avait vu aussi si la personne dit Inch'Allah wa shi'at. Si Allah veut et si tu veux. Le fait de dire et, ça fait partie du shirk al-asghar. Et c'est interdit de dire ça. D'accord ? Parce que la personne, elle a mis au même niveau. D'accord ? La personne, elle a mis au même niveau la personne. Que si Allah veut et si tu veux. Donc elle l'a mis au même niveau qu'Allah Azza wa Jal. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que si on doit, la personne veut mentionner la personne, elle dit si Allah veut, puis si tu veux. Comme ça, il y a une différence déjà. Puis. Parce que le et, tu le mets au même niveau. D'accord ? Donc ça, déjà, sur le fait de dire que si Allah. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne voudrez que ce qu'Allah Azza wa Jal veut. Vous ne voudrez que ce qu'Allah Azza wa Jal veut. Et on avait dit ça, c'est la différence de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a comparé aux autres. Al-Jabriya, une des sectes égarées, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, Jabriya pourquoi ? Parce qu'elle dit Al-Abd Majbour, à la fa'le. L'individu, quoi qu'il fasse, il n'a aucun choix. Il n'a aucune volonté. Quoi qu'il fasse, eh bien, il est forcé de le faire. D'accord ? Ça, ce n'est pas la croyance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas la croyance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ni les qadariyas qui sont à l'opposé. Donc eux, ce sont les deux extrêmes, Jabriya ou Qadariya. Et les qadariyas qui, eux, croient que l'individu crée ses propres œuvres. Et qu'Allah azza wa jal n'est pas au courant de ce que l'individu va faire jusqu'à ce que l'individu fait son œuvre. Ça, ce n'est pas non plus la croyance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, comme nous avons vu dans la Jumu'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ قِيلَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et ma communauté se divisera. Après avoir mentionné, et toutes les narrations de ce hadith sont authentiques. Toutes les narrations de ce hadith sont Hassan, bon. Eh bien, les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens en 72, et ma communauté se divisera en 73 groupes, tout en enfer excepté une, ceux qui seront sur ceux que je suis, moi et mes compagnons aujourd'hui. Donc celui qui a la même croyance, la même aqida que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, il fait partie du Firqat al-Najiyah, le groupe sauvé. Celui qui est derrière la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Et l'islam, c'est simple. On ne nous demande pas de philosopher, voilà, d'essayer de... subhanallah. C'est une religion de suivi. Comme Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « Attabi'u wa la tabtadi'u firat kufitum » Suivez et n'innovez pas, car ce que vous avez, yani le Coran et la Sunna, est suffisant. Donc, ça fait partie du shirk al-asghar. Un autre point qu'on avait vu, il y avait un frère qui avait fait une remarque avec ce qu'on peut dire si je compte sur toi. Voilà ça. Donc, notamment un des savants d'Algérie, Cheikh Farkous, Hafidhahullah, avait répondu à une question, il n'y a pas longtemps. Une question d'un frère qui avait posé, a-t-on le droit de dire j'ai confiance en toi ? A-t-on le droit de dire, vas-y, tu fais ce truc-là, c'est bon, j'ai confiance en toi. Donc, on avait déjà vu, nous, dans le cours la semaine dernière, que déjà la confiance, c'est une action du cœur. Ibada, c'est une ibada. Tawakkul, c'est une ibada. Et ça fait partie des actions du cœur. Et les actes d'adoration ne doivent être voués qu'à Allah Azza wa Jal seul. Lillahi wahdu, la sharika lah. Donc il n'est pas permis de dire, comme la personne veut dire, si Allah veut et si tu veux, ça c'est interdit. Il doit dire... Là où c'est Allah, thumma shi'ta. Et la personne, elle veut utiliser cette méthode-là en disant, puis-je dire, at-tawakkul ala Allah, thumma alayk. Ceci est totalement interdit. Et même parfois, en Tunisie, on en entend qui disent, at-tawakkul alayk ou ala Allah. Et ils mettent la personne déjà avant Allah Azza wa Jal. Et en plus, ils rajoutent le ouais. Le ouais qui... Tesouya, qui veut dire que tu le mets au même niveau, subhanallah. Et ça, c'est strictement interdit. Et c'est encore pire que le mashi'a. D'accord ? Parce que l'abd lahu mashi'a. Parce que l'individu, il a une volonté. Il peut, Allah Azza wa Jal, il lui a donné ce choix-là, ce libre arbitre-là. Mais il ne peut faire une chose que si Allah le veut. Donc il veut faire un truc, mais il ne pourra le faire que si Allah Azza wa Jalla le veut. D'accord ? Alors que at-tawakkul, yani la confiance, le fait de placer sa confiance, il n'y a que Allah Azza wa Jalla. Il n'y a que en Allah Azza wa Jalla qu'on la place. On ne la place pas en les créatures, parce que les créatures ne peuvent faire que ce qu'Allah Azza wa Jalla veut. Donc il n'est pas permis de dire. Il n'est pas permis. D'ailleurs, Cheikh Farkous avait dit qu'il était interdit de dire cela. De dire, j'ai confiance en toi. Non. Dans la sunna, c'est permis de mandater quelqu'un. Hein, de faire une chose. On prend les causes. Par contre, il est strictement interdit de dire, j'ai confiance en toi ou je compte sur toi. Pourquoi ? Parce qu'on le mandate. On fait la cause, on fait le sabab. D'accord ? Lekin, on place là notre confiance en Allah. Si Allah le veut, il pourra le faire. C'est pour ça qu'on avait dit que Wahed, il doit chaque fois hein, essayer de travailler sa langue afin que de ne pas se tromper dans les habitudes. Ça, on tombe dans les habitudes de dire certaines choses, tu vois. Mais ça, ça fait partie du shirk al-asghar. Ça fait partie du shirk al-asghar. L'autre point qu'on avait vu aussi, on était arrivé, donc, ça c'était le deuxième point, c'était الشرك في الألفاظ sur ce que les gens disent, comment qu'elles s'expriment. Le troisième point qu'on avait commencé la semaine dernière, c'était الشرك في النيات والقصد, c'est-à-dire le fait de avoir du polythéisme dans l'intention et dans le but de faire telle chose. Eh bien, il y a une chose qui fait partie du polythéisme mineur. Donc c'est pour ça qu'on s'est arrêté sur la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah qui a dit ilahun wahid. Hein? Il n'y a qu'une seule vraie divinité. Une seule vraie divinité. Ce qu'on avait dit, ilah, ça provient, le synonyme de alaha, c'est abada. Donc tout ce qui est adoré est une divinité. Cependant, pour savoir si c'est une vraie divinité, alaykoum salam, pour savoir si c'est une vraie divinité, ces divinités-là, ces soi-disant divinités que les gens adorent, peuvent-ils créer quoi que ce soit? Elles ne peuvent rien créer. Allah Azza wa Jal, c'est le seul créateur. Les autres, ce sont des créatures. En dehors d'Allah, c'est des créatures. Donc, ce sont des fausses divinités. D'accord? Donc, ilahun wahid, une seule vraie divinité, c'est Allah Azza wa Jal. Fayanbari an yufrada bil ibada. وأن يقصد العبد بعبادته وجه ربه لا يقصد بالعبادات سوى لأن ذلك لا يجوز هو إله واحد كما تفرد بالإلهية ينبغي أن يفرد بالعبودية. Donc sachant que c'est le seul vrai divinité, c'est Allah Azza wa Jal, sachant que lui seul mérite l'adoration, d'accord, الإلهية, comme on dit توحيد الألوهية, توحيد العبادة, le pur monothéisme dans l'adoration. Seul lui mérite l'adoration. C'est-à-dire, tous les actes d'adoration, tout ce que les paroles, comme on avait parlé de la confiance, le fait de jurer, si on ne jure, qu'on ne jure que par Allah, من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et dans une autre narration, أو ليصمت. Donc, tous ces actes-là, la personne, eh bien, elle ne doit le vouer qu'à Allah Azza wa Jal. La confiance, on la place qu'en Allah. Les gens, ce sont des individus. D'accord ? Des créatures. Ce sont des créatures qu'Allah Azza wa Jal a créées. Ils ne peuvent faire que ce qu'Allah veut. Al-amal al-salih, al-khali min al-riya, al-muqayyadu bis-sunnah, shartan, an yakhlusu min al-riya, an yakuna lillahi khalis, وأن يكون صوابا يعني مقيد بالسنة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. On s'est arrêté voilà sur ce point-là, sur les conditions d'acceptation des œuvres d'islam. Ça doit être sincère envers Allah Azza wa Jal et selon la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car on avait vu le dernier verset de sourate Al-Kahf où Allah Azza wa Jal dit فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإمام ابن القيم رحمه الله. Donc celui qui veut la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une bonne action. Al-amal salih, une bonne action. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, avait dit Al-amal salih, ma kana muwafiqan li shar'illah. La bonne action, c'est ce qui est en accord avec la législation d'Allah. Parce qu'Allah agrée ce qu'il a révélé. Inna din indallah al-islam. La religion d'Allah, c'est l'islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam adina fala yuqbala minhu wa fil akhirati min al-khasirin. Et celui qui désire une autre religion que l'islam, ce ne sera pas accepté de lui. Donc l'islam qu'Allah azza wa jal agrée, c'est celui qui l'a révélé. C'est pas celui que les gens ont inventé, celui qui l'a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le biais de l'archange Gabriel, Jibril alayhi salam. Donc ça doit être sincère envers Allah. Hein? ولا يشرك بعبادة ربه أحدا qu'il n'associe rien à son Seigneur يراد به وجه الله وحده لا شريك له. C'est ce que dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah dans ce tafsir. Il ne veut par cette action bonne, c'est-à-dire en conformité avec la sunna, il ne veut que Allah Azza wa Jal. Sincère envers Allah et selon la sunna. Ça, ce sont les deux conditions d'acceptation des œuvres en islam. توعد الله تبارك وتعالى المرائين الله عز وجل a menacé ceux qui agissent par ostentation. توعد الله تبارك وتعالى المرائين فقال سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فتوعد الله تبارك وتعالى المرائين بالويل والويل قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما فالويل فويل lorsque Allah عز وجل dit فويل شدة عذاب في النار. Donc Allah le Très-Haut a menacé ceux qui agissent par ostentation. Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens des versets 4 à 7 de Sourate Al-Ma'oun, les ustensiles, dans la traduction du sens du verset, malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur salat, leur prière. Ceux qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. La traduction du sens. Et le wail, le mot wail, Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit que cela correspondait au dur châtiment en enfer. Au dur châtiment en enfer. Wa akhbar Allah tabaraka wa ta'ala anna ar-riya min sifat al-munafiqin. Fa qala ta'ala inna al-munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila as-salat qamu kusala yura'un an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. رياء من صفات المنافقين ليست من صفات المخلصين. Et Allah le Très-Haut a informé que l'ostentation, رياء, fait partie des attributs des hypocrites. Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens du verset 142 de Sourate An-Nisa, les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoque-t-il Allah. Donc l'ostentation fait partie des attributs des hypocrites et non des attributs des sincères. An Abi Hurayra radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana aghna shurakaa 'an ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka ma'ahi fihi ghayri taraktahu wa shirku. Rawahu Muslim. Selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah le Très-Haut a dit: je me suffis à moi-même. Si bien que je n'ai besoin d'aucun associé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah azza wa jalla a dit: je me suffis à moi-même. Si bien que je n'ai besoin d'aucun associé. Ainsi, celui qui fait un acte d'adoration en m'y associant quelqu'un d'autre, je le délaisse lui et son acte auquel il m'a associé. Hein, le hadith est rapporté par Muslim. فمن قصد بعمله غير الله من المخلوقين تركه الله وشرك. Donc celui qui avait comme intention de faire un acte d'adoration, son intention c'était qui? C'est pas pour Allah, c'était pour les créatures. Allah le Très-Haut le délaissera, ainsi que l'acte auquel il a associé une créature avec Allah Azza wa Jal. Donc ce ne sera pas donc accepté par Allah, cet acte sera invalide, batil. Car cela n'était pas sincère envers Allah Azza wa Jal. Fi riwayat Ibn Majah qala ana minhu bari wa huwa lilladhi ashrak. Et dans une autre version apportée par Ibn Majah rahimahullah, il a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah Azza wa Jal a dit: je me désavoue de cet individu là qui m'associe quoi que ce soit dans un acte d'adoration qu'il fait. Je me désavoue et je le délaisse lui et يعني je me désavoue de cet acte d'adoration, il sera pour celui auquel il a associé. لا بد أن يكون العمل خالصا ولا بد أن يكون قائما على قاعدة الإخلاص لله رب العالمين وألا يكون لأحد من الخلق فيه بل ينبغي أن يكون لله خالصا وإلا رد على فاعله وكان معاقبا عليه. Il est impératif que l'acte d'adoration ne soit fait sincèrement que pour Allah Azza wa Jal seul. Donc là, c'est dans le point qu'on voit avec le polythéisme mineur dans les intentions. Dans les intentions, hein. La personne qui fait son intention que c'est fait pour autre qu'Allah. On va détailler plus, Inch'Allah. Donc, mais seulement pour que l'acte d'adoration il soit accepté, déjà, il doit avoir le premier point complété, ça doit être sincère pour Allah. Et il est impératif que l'acte d'adoration soit exclusivement basé sur la sincérité pure envers Allah, dès l'intention même, dès le départ. Et que l'acte d'adoration ne soit pas fait pour des créatures, mais uniquement sincère envers Allah. Sinon, cet acte d'adoration sera rejeté et l'individu sera châtié pour cela. Allah Azza wa Jal dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Cheikh Mohammed bin Ramzan al-Hajri, dans le cours qu'il avait donné fait Tahqiq al-Tawhid, qu'est-ce qu'il avait dit ? Lorsqu'il avait mentionné, dans ce cours-là, il avait dit, concernant ce verset, dans le surat An-Nisa, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et pardonne en dehors de cela. Hein? Il a dit que, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa hadha yatadammana ash-shirka al-akbar wal-asghar. Donc, le fait qu'Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, qu'on lui associe, c'est-à-dire du polythéisme majeur ou du polythéisme mineur. Allah ne pardonne pas. Excepté si la personne s'est repentie avant de mourir. وَيَنْبَغِي مَعَ خُلُوسِهِ مِنَ الشِّرْكِ وَيَنْبَغِي مَعَ خُلُوسِهِ مِنْ ابْتِغَى غَيْرِ وَجْهِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَكُونَ عَلَى سُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc, et en plus du fait que cet acte d'adoration, comme on avait mentionné, soit dénué de tout associationnisme et soit dénué du fait de vouloir autre qu'Allah, le Très-Haut, de par cet acte d'adoration sincère envers Allah, le Très-Haut, se doit d'être en conformité avec la sunna du messager. Sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Qal ibn Rajab, rahimahullah. Ibn Rajab a dit, « I'alam anna l'amal li ghayrillah aqsam. » Sache que les actes d'adoration pour autre qu'Allah sont de différents types. Fataratan yakunu riya' mahdan ka halil munafiqin wa idha qamu ila as-salat qamu kusala yura'un an-nas. Parfois il se peut que l'ostentation, riya', l'ostentation. On avait aussi donné la définition de riya', l'ostentation, riya' min ar-ru'ya, ce qu'on avait dit qu'il y avait différents types de polythéisme mineur. Qui était riya, ce qui provient de la ru'ya, wa huwa talib al-manzila fi qulub an-nas bi ara'ihim. Rechercher la position, yani rechercher une place dans le cœur des gens, hein, en leur montrant ce qu'on fait comme acte. L'intention de la personne, c'est d'avoir une certaine position dans le cœur des gens. Riya. Ça fait partie du fait que les gens voient la personne le faire. Un autre point, c'est as-sum'a. C'est le fait que la personne ne voit pas l'individu faire tel ou tel acte, mais la personne qui fait cet acte-là avec cette intention de faire la sum'a, elle veut que, ça vient de sam'a, que les gens entendent, elle veut que les gens, hein, les gens entendent d'elle. Par exemple, comme on avait mentionné, il y a un mur là. La personne, elle se trouve derrière. On ne voit pas qui c'est la personne, on ne la voit pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'une personne, elle est assise là. Et il se met à élever sa voix. Son intention, c'est quoi? En lisant le Coran? Pour dire aux gens, regardez, j'ai une belle voix. Si son intention, c'est ça. D'accord? Mais on avait dit qu'il était interdit d'élever la voix en lisant le Coran dans la mosquée. D'accord? Parce que la personne, elle pêche en faisant cela s'il y a des frères qui sont assis. Si la personne lit du Coran à voix haute, pendant qu'il y a des frères qui sont assis en train de faire du dhikr et l'autre qui est en train de prier, et l'autre il élève la voix en train de lire le Coran, il pêche, il ne reçoit pas de bonne action. Subhanallah. C'est différent s'il est tout seul dans la mosquée, il n'y a personne, d'accord? Mais là, s'il commence à y avoir des frères, D'accord? Eh bien, il ne doit pas élever sa voix en lisant du Coran, sinon il pêche. Donc c'est ça la différence de Soma ou Riyah. Soma, on entend. Riyah, c'est la personne à voix. D'accord? Donc il dit, l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, sache que les œuvres, les actes d'adoration faits pour autre qu'Allah sont de différents types. Parfois, il se peut que l'ostentation soit totale, hein? C'est ça le terme mahdan. Fataratan yakuna riya mahdan. Riya mahdan, ça veut dire quoi? C'est l'ostentation qui est pure. L'ostentation qui est pure. Tel l'état des hypocrites. Tel l'état des hypocrites. Et on avait dit il y a deux types d'hypocrisie, majeure et mineure. Les hypocrites qu'on parle ici, c'est les kofars, les mécréants là. Là, c'est l'hypocrisie qui exclut de l'islam. Hein? C'est comme l'imam al-Qayyim rahimahullah a dit, al-munafiq yubtun al-kufr wa yadhhar al-iman. Il cache la mécréance et montre la foi. C'est celui qui ne croit pas du tout. C'est juste parce que les musulmans, ils ont une certaine puissance et ils sont forts dans cet endroit-là. Donc, pour se sentir en sécurité, il va yadhhar al-iman. Alors que il va cacher la mécréance. Ça, celui-là, fi dark al-asfal min an-nar. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, Inna al-munafiqina fi dark al-asfal min an-nar. Dans sourate An-Nisa, ce verset-là correspond aux hypocrites qui sont d'hypocrisie majeure. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus dangereux que les kofars eux-mêmes. Les kofars, on sait sur quoi ils se tiennent. Mais les munafiqins, hein, les hypocrites qui cachent la mécréance dans leur cœur, mais qui montrent l'islam, ceux-là sont au sein de la communauté. D'accord? Ils font beaucoup plus de dommages que le mécréant parce qu'on sait sur quoi il se tient. Parce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'il va faire avec nous si on a le dos tourné. Voilà, est-ce qu'il va nous trahir? Est-ce qu'il va... ils sont beaucoup plus dangereux. Donc c'est pour ça qu'ils auront le plus dur des châtiments. Fi dark al-asfal min an-nar, dans le plus bas niveau de l'enfer, sous les mécréants. Hein? Donc, il se peut que l'ostentation soit totale, pure. Ça veut dire que la personne, dès l'instant où elle va commencer son acte d'adoration, qu'est-ce qu'elle va faire? Son intention, c'est pour les gens qui la reconnaissent, qu'elle fait partie de leur communauté. Regardez, je prie avec vous. D'accord? Ça, c'était les munafiqins du temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Hein, l'univers, il a commencé à Médine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, qui est la tête des hypocrites, le chef de tous les hypocrites, eh bien, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré l'islam, dhahar al-islam, wa abtan al-kufr, et il a caché la mécréance. Pourquoi en fait? Parce qu'ils allaient, il y avait deux tribus juives qui allaient le faire roi. Mais lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il n'y avait plus question de me faire roi ou quoi que ce soit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. D'accord? Donc lui, il en a voulu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, abtana al-kufr wa adhara al-iman. Il a caché la mécréance et a montré la foi. Donc ce sont ces hypocrites-là. Ceux qui font, qu'est-ce qui vient? Il vient devant les autres musulmans et il prie avec eux. Son intention, c'est de montrer aux autres musulmans. C'est ça son intention première, qu'il montre aux autres musulmans. C'est ça, riya mahdan, l'ostentation pure, totale. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal dit dans la traduction du sens du verset, et lorsqu'il se lève pour la salat, il se lève avec paresse et par ostentation avec les gens. Il n'a même pas envie de la faire. Mais bon, il va la faire parce que les gens le voient. وَهَذَا الرِّيَا الْمَحْدْ لَا يَكَادُ يَسْدُرُ مِنْ مُؤْمِنْ فِي فَرْدِ السَّلَاتِ وَالسِّيَامِ لَا يَكَادُ يَسْدُرُ رِيَا مَحْدْ أن يصليها لوجه الناس خالصا بحيث لا يكون لله فيه نصيب من صيام وصلاة وهذا لا يكاد يصدر من مؤمن هذا يصدر من المنافقين الخالصين. Ce n'est pas possible, hein, cette pure ostentation, ça veut dire que l'intention dès le départ, c'est que il va faire pour les gens. C'est ça son but, son intention, les gens. Il n'a pas du tout Allah Azza wa Jal dans son intention. Ça, ce n'est pas possible que ça apparaît chez le croyant. Hein? Dans les obligations telles que la prière ou le jeûne. C'est pas possible qu'un croyant ait une ostentation pure, ça veut dire dès le départ, lorsqu'il prie ou lorsqu'il jeûne. C'est-à-dire qu'il prie sincèrement et uniquement pour les gens, et rien pour Allah Azza wa Jal. Mais ceci apparaît chez les hypocrites et non chez les croyants. ولكن قد يصدر في الصدقة الواجبة ça veut dire le zakat والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة فإن الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. Il se peut que cette ostentation pure touche certains actes d'adoration tels que la zakat, le hajj, alors que la sincérité dans toutes ses œuvres est extrêmement importante. Le hajj, la sadaqa, yani la zakat, hein, les actes obligatoires. Il est impératif d'être sincère envers Allah lorsqu'on les fait. Hein. Alors que le musulman, il sait parfaitement que celui qui fait une ostentation pure, ça veut dire que dès le départ, il a fait pour autre qu'Allah, cette action-là est nulle, invalide. Elle n'est pas acceptée par Allah Azza wa Jal et que cet individu-là mérite le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Donc, parfois, certaines œuvres peuvent être vouées à Allah. La personne, elle rentre, donc lui, ce n'est pas un hypocrite. Un musulman, il rentre dans la mosquée. Son intention, il va faire salat pour Allah, Azza wa Jal, sincère pour Allah. Mais elle se trouve entachée d'ostentation. فَعِنْدَنَا قَسْمَانِ كَبِيرًا. Donc nous avons deux types d'ostentation. القسم الذي مر وهو أن يريد بعمله غير وجه الله خالصا بحيث لا يكون لله فيه نصيب هذا لا يكاد يصدر من مؤمن وإنما يصدر من المنافقين الخلاص. Donc nous avons deux types d'ostentation. L'ostentation pure, la personne fait un acte d'adoration sincèrement et uniquement pour les gens. Et ce type n'apparaît pas chez les croyants, mais apparaît chez l'hypocrite sincère dans son hypocrisie. والقسم الثاني عندما يكون العمل لله يقصد به وجه الله ويشاركه الرياء. Le deuxième type d'ostentation, c'est lorsque le musulman fait un acte d'adoration en ne voulant qu'Allah Azza wa Jal seul. Il est sincère. Il commence son acte d'adoration, c'est sincère que pour Allah. Puis, l'ostentation rentre dans son acte d'adoration. فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلان العمل. Si l'ostentation qui associe l'œuvre vouée à Allah apparaît dès le début de l'acte, c'est-à-dire il allait commencer une prière, mais dès le début, avec l'intention qu'il va la faire pour Allah, il l'associe aussi, qu'il va aussi la faire pour que les gens disent de lui qu'il est très bien et tout ça, son acte dans les textes qui sont authentiques. Hein, les textes authentiques montrent clairement que cela annule l'acte d'adoration. إن دخل الرياء في أصل العمل فهو باطل. Si l'ostentation apparaît au départ, au début de l'acte d'adoration, cet acte d'adoration est invalide. وإذا كان العمل أصله لله ثم طرأت عليه نية الرياء دخل يصلي لله فلما أحس حسا حسن في صلاته فترأى الرياء عليه فدفعه لما خطر هذا لا يضر بغير خلاف هذا لا يضر بغير خلاف. Donc si l'ostentation apparaît dès le départ, c'est-à-dire que lui, yani, c'est pas un hypocrite, c'est juste un musulman, il vient prier. Lakin subhanallah, il y a des gens qui sont assis et lui, c'est quoi son intention? Donc il va prier pour Allah, d'accord. Lakin il mélange dès le départ avec l'intention qui va aussi la faire parce que les gens le regardent. Ouais. Donc ça, les textes sont clairs dessus que l'action, l'acte d'adoration, il est invalide, nul. Il ne sera pas accepté auprès d'Allah Azza wa Jal. Par contre, le deuxième point, c'est quoi? C'est que la personne, elle fait sincère envers Allah Azza wa Jal l'acte qu'elle fait. Il rentre dans la mosquée, il se met à prier. Il était tout seul. Il priait normalement, puis il commence à entendre du bruit. Un frère qui est rentré, voilà, des frères qui sont rentrés, voilà, il commence à parler, quoi que ça. Il entend du bruit. Et l'ostentation, elle commence à rentrer dans son acte d'adoration. Ça veut dire que, ah, il se rend compte qu'il commence à améliorer sa salat. Donc les ulama, ils ont dit, notamment Ibn Rajab, parce que c'est tout le temps la parole d'Ibn Rajab, il dit que donc, l'ostentation, elle est venue, et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il la repousse. La combat, il la repousse. Hein? Il renouvelle, pendant qu'il est en train de faire son acte d'adoration, il est en train de la repousser et faire en sorte que son intention ne soit que pour Allah. Eh bien, celui-là, malgré que ça a été entaché par l'ostentation, mais il l'a repoussé, les ulama, sans divergence, disent que cela ne nuira en rien à la validité de l'acte d'adoration. D'accord ? Parce qu'il l'a repoussé. Parce qu'il l'a repoussé. وَإِنْ اسْتَرْسَلَ مَعَرِّيَا. C'est différent. Hein ? Son intention, c'était pure pour Allah Azza wa Jal seul. Il en commence à entendre du bruit et il commence à agir avec ostentation, à améliorer, parce qu'il se dit, les gens le regardent maintenant. Donc, mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne le repousse pas. Il ne repousse pas ce riya-là. Ça veut dire qu'il a laissé le riya continuer avec son acte d'adoration. وَإِنْ اسْتَرْسَلَ مَعْرِيَا فَهَذَا يُحْبِتُ عَمَلُهُ أَوْ لَا يَضُرُّهُ وَيُجَازَ عَلَى أَصْلِ نِيَّتُهُ هَذَا فِي خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ. Donc cependant, donc, comme j'ai dit, si l'ostentation est apparue pendant l'acte d'adoration, mais le musulman ne la repousse pas, il la laisse. Donc la question c'est quoi? C'est est-ce que cela invalide l'acte d'adoration? Ou bien est-ce que cela ne nuit en rien l'acte d'adoration et que le musulman sera rétribué concernant son intention de départ? Hein? L'intention qu'il avait au tout départ. C'était de la faire que pour Allah Azza wa Jal. Puis au cours de la salat, ça a mélangé avec l'ostentation et il l'a laissé. Il ne l'a pas repoussé jusqu'à la fin de sa salat. Donc la question c'est est-ce que ça invalide ou pas? Il y a une divergence entre les savants concernant cela. يقول ابن رجب رحمه الله اختلف العلماء من السلف في ذلك فحكى الإمام أحمد وابن جرير الطبري وأرجو وأرجو عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى. Donc les savants parmi les salaf, les prédécesseurs, salaf salaf, ont divergé sur cela. D'accord? L'imam Ahmed, rahimahullah, imam Ahl al-Sunnah, et l'imam Ibn Jarir, al-Tabari, sont d'avis que dans ce cas, lorsque son intention première c'était que pour Allah seul, puis ça s'est mélangé avec l'intention, mais il ne l'a pas repoussé, ils ont dit qu'ils espèrent que cela n'invalide pas l'acte d'adoration, et que donc ce sera valide et qu'il sera rétribué en fonction de son intention première. D'accord ? Tandis que Al-Hassan al-Basri wa ghayruh yarawna anna dhalika yubtilu al-amal jumlatan. Al-Hassan al-Basri et d'autres, rahimahumullah, sont d'avis que le fait de ne pas avoir repoussé l'ostentation lorsqu'elle est arrivée et de l'avoir laissée jusqu'à la fin, ceci invalide l'acte d'adoration. Fahadha khatir kama tara an yura al-insan bi'amalihi wa an yaqsid al-amal غير الله تبارك وتعالى يقصد أن يرى الناس فهذا خطير جدا يجب على العبد أن يتحفظ من الشرك أعظم مما يتحفظ على نفسه من أعدائه وأعظم مما يتحفظ على أمواله من السرقة لأن خطر الشرك عظيم نسأل الله السلامة والإخلاص في القول والعمل. Donc ceci, le fait, vous voyez qu'il y a une divergence entre les ulama concernant le fait que la personne, son intention première c'était que pour Allah, puis il entend du bruit, il commence à agir par ostentation et il ne la repousse pas, il la laisse comme ça jusqu'à la fin. Les ulama ont divergé sur le fait que ce que c'est accepté ou pas. Donc ça c'est un danger énorme, sur rien qu'il y a une divergence sur ça. Certains disent on espère que c'est accepté et qu'il sera récompensé de par son intention première, Alors que d'autres ulama ont dit, non, comme il l'a mélangé avec du shirk, ceci annule l'acte d'adoration. Donc c'est un danger. Et la personne, l'individu, le musulman, se doit de yani, se protéger contre ce type de polythéisme. Plus qu'il ne se protège sa personne contre les ennemis, ou plus qu'il ne protège son argent contre le vol, hein? Parce que le shirk, le polythéisme, c'est le pire des dangers et c'est le pire des péchés. Comme Allah Azza wa Jalla dit, inna shirka la dhulmun azim. Le polythéisme est la pire des injustices. Donc on demande à Allah Azza wa Jalla de nous protéger et que l'on fasse, que tout ce que l'on fasse soit sincère envers Allah Azza wa Jalla dans nos paroles et dans nos actions que l'on faisons, que nous faisons. Continuerons inchallah dimanche prochain ce cours inchallah en passant sur un autre chapitre tout le temps sur les types de polythéisme. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير